ce ciel mauvais sauvage. Avec toi compter les étoiles filantes. Avec toi t'entendre dans mes bras. Avec cette voix qui résonne sans peine dans mes veines. J'aurais voulu avoir du sable dans mes cheveux et m'en foutre avoir tes mains qui réchauffent les miennes. Sentir tes frissons quand tu as froid et te donner ma peau pour manteau. J'aurais voulu prendre les vagues à témoin que si tu demeures cette nuit dans mes bras et jusqu'au matin, ce n'est pas le vent qui nous joue un tour ni ces nuages comme autant de vautours. J'aurais voulu être pieds nus dans la nuit avec toi, ne plus penser mais vivre avec toi, perdu quelque part entre la digue et la mer, dans ce désert vide de choses et de prose. Mais au bord de l'eau, j'essaie de faire un feu avec du bois humide. Au bord de l'eau, imaginaire et souvenir me font rester l'enfant candide. Je voudrais que tu sois là, que tu m'accompagnes, que tu sois là. T'entendre parler, t'écouter rire, te voir rêver les yeux à l'horizon. J'aurais voulu t'avoir manqué encore une fois, t'avoir parlé encore une fois. Que tu ne veuilles plus partir et que tu détruises mes côtes à me serrer contre ton souffle. J'aurais voulu prendre cette borgne insolente à partie, cette perle souriante par mépris qui nous regarde du haut de sa clarté et nous entraîne dans ce qu'elle peut souhaiter. J'aurais voulu t'avoir connu un peu mieux ce soir, t'avoir comprise un peu plus ce soir, tendre l'oreille pour d'autres murmures, d'autres de ces phrases que tu ne pouvais pas finir sans en être sûr. Et au bord de l'eau, j'essaie de faire un feu avec du bois humide. Au bord de l'eau, imaginaire et souvenir me font rester l'enfant candide. Au bord de l'eau, j'essaie de faire un feu avec du humide. Au bord de l'eau, imaginaire et souvenir me font rester l'enfant candide. J'aurais voulu au bord de l'eau réunir tout ce qui m'est assez beau pour le partager avec toi. En étant fier, j'aurais voulu t'offrir ce bord de mer, tous ces moments où tu me manquais, tous ces instants qu'on n'a pas passés. J'aurais voulu les passer ce soir-là, au bord de l'eau, simplement avec toi.